tellement de conquêtes, de femmes qu'on guette, des aventures, ça j'en ai eu des bonnes comme des dures crues, qui l'a cru jusqu'à cette fille-là, avec qui je me voyais déjà au bout de quelques mois. Pas besoin de débat pour savoir que je me suis fait mes films tout seul. Le jour de cette prise de conscience, j'ai failli foutre le zbeul. Est-ce vraiment un coup de foudre? Maintenant j'en sais plus qu'il y ait d'action glamour. De ma part, pour ma part, c'est dans mon appart ou en soirée. Quand je pars, je les prends à part de part et d'autre en aparté. Et pour chacune, ça va barder. Dès le lendemain matin, j'en crie partez. C'est mort, c'est fini, pas de soucis. Putain de fils, quel amour. Une belle histoire d'amour se termine toujours par des faits balourds. Les histoires d'amour et tout ce qu'il en suit me font toutes flipper à l'idée de rechuter. Si je tiens ce discours, c'est parce que je l'ai fui. Vois les faits passer, pourquoi je me suis bloqué. Les histoires d'amour et tout ce qu'il en suit me font toutes flipper à l'idée de rechuter. Si je tiens ce discours, c'est parce que je l'ai fui. Vois les faits passer, pourquoi je me suis bloqué. Les histoires d'amour se terminent toujours par des faits balourds. Je les esquive et je cours de peur que ça m'arrive encore un jour. J'entends dire j'ai raison, j'entends dire que je suis fou. C'est à perdre la raison, aujourd'hui je mets des coups. Le moral elle montre cassé, mon cœur brisé. Aujourd'hui je retourne au tas, mais d'ailleurs j'en ai jamais assez. C'est donner une drogue comme la CC. Je ne sais pas quand ça va cesser. Je crois qu'avec les femmes je suis fâché. Mais c'est vrai, je kifferais avoir ma femme à mes côtés. La retrouver le soir elle enlacée. Mais écoute, je suis con, je pense pour toutes. Non non, je leur fais plus confiance. Les histoires d'amour et tout ce qu'il en suit me font toutes flipper à l'idée de rechuter. Si je tiens ce discours, c'est parce que je l'ai fui. Vois les faits passer, pourquoi je me suis bloqué. Les histoires d'amour et tout ce qu'il en suit me font toutes flipper à l'idée de rechuter. Si je tiens ce discours, c'est parce que je l'ai fui. Vois les faits passer, pourquoi je me suis bloqué. Guette, j'ai eu du mal à m'en remettre. Longtemps j'ai sombré dans la tease. Que veux-tu que je te dise? Aujourd'hui je me terre ici parce que ça me terrifie. M'accrocher encore à une femme, je suis parano, c'est infâme. Et si après ce son, ma vision te paraît sombre, c'est dû à mon vécu et ce que j'ai vu. Pour ma part, ça ne commencera jamais plus. Les histoires d'amour et tout ce qu'il en suit me font toutes flipper à l'idée de rechuter. Si je tiens ce discours, c'est parce que je l'ai fui. Vois les faits passer, pourquoi je me suis bloqué. Les histoires d'amour et tout ce qu'il en suit me font toutes flipper à l'idée de rechuter. Si je tiens ce discours, c'est parce que je l'ai fui. Vois les faits passer, pourquoi je me suis bloqué.